Chapitre 6e. Les fleurs changées en bêtes. Le jeune Kaoni se promenait un jour dans la campagne avec son maître, le Samankin. Tout à coup, le jeune homme qui cueillait des fleurs s'arrêta en poussant un cri. Le maître accourut avec toute la rapidité que permettait son grand âge. « Qu'avez-vous, mon fils ? » lui demanda-t-il. « Que vous est-il arrivé ?»« J'ai cru cueillir une fleur, » répondit Kaoni, « et en me baissant, j'ai vu que j'allais mettre la main sur un scorpion. Il faut que j'écrase cette vilaine bête. » Le vieillard le retint. « Arrêtez !» reprit-il ensuite. « Ce que vous avez pris pour un animal est bien véritablement une fleur. On l'appelle Kalonging. 9 pétales forment sa couronne. 2 forment les antennes, 6 les pattes, et la 9e, très allongée, représente la queue. Voyez, ne dirait-on pas un scorpion ?» Kin se baissa et prit la fleur. Il voulut ensuite la passer à son élève, mais celui-ci la repoussa avec dégoût. « Que la nature est bizarre !» s'écria-t-il, « donner une forme si hideuse à une fleur. » Alors Kin, pour le reprendre et lui montrer la légèreté de ses paroles, lui raconta l'histoire suivante. « Il n'y a point de bizarrerie dans la nature, mon fils. Tout ce que nous voyons a une cause, même les fleurs qui ressemblent à des scorpions. Le Katonging a des sœurs qui partagent son triste sort. On s'éloigne avec terreur de l'offrise qu'on dirait prête à vous piquer de son dard comme une guêpe. Une autre offrise offrit une si frappante analogie avec l'araignée que les mouches l'évitent avec soin et qu'elle inspire du dégoût à l'homme. Il existe dans la famille des orchidées des plantes qui offrent l'image d'un serpent ou d'un scarabée. Voici ce que rapportent les livres de la science au sujet de ces étranges métamorphoses. Les fleurs sont placées sous les lois d'une fée qui préside de tout temps à leur destinée. Les fleurs ont une âme comme les hommes, elles sont récompensées par la fée selon leurs bonnes ou leurs mauvaises actions. À celles qui sont soumises et réservées, elle accorde ses caresses plus vivifiantes que le soleil et la rosée, plus fraîches que la brise. Aux fleurs qui bravent ses lois, elle envoie des insectes qui les dévorent vivantes, des lèpres qui les dessèchent sur leurs tiges, car la fée se montre sévère quelquefois. On n'a jamais pu savoir le crime commis par les offrises et les orchidées. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la fée leur fit prendre, il y a plusieurs siècles, la forme qu'elles ont aujourd'hui, qu'elles doivent conserver jusqu'à ce qu'un papillon devienne amoureux d'elles. Kaoni écouta cette histoire avec attention. « Pauvre Katonging, » dit-il en regardant la fleur d'un air triste, « quand finira ton supplice ? Jamais, sans doute, un scorpion peut-il se faire aimer ?»« Ne désespère pas de l'amour, mon fils, » reprit le vieillard, « et médite bien l'enseignement qui se cache dans ce que je viens de t'apprendre. Dard, venin, laideur, vice, défaut, méchanceté, pour dépouiller son ancienne enveloppe, il suffit souvent de se sentir aimé. » Le Katonging était une petite fleur azur qui se balançait sur une tige svelte et élégante au bord des rivières. Elle était jolie. Elle paraissait bonne, douce, honnête. Elle inspira de la confiance à une libellule bleue qui habitait les mêmes parages que le Katonging. Si le jour la pauvre demoiselle avait beaucoup de peine à échapper aux attaques des hirondelles qui écumaient les bords de la rivière, la nuit c'était bien pire encore. Les lézards, les araignées, les chauves-souris, tous les rôdeurs nocturnes lui faisaient une rude guerre. Elle était obligée de se tenir sans cesse sur le qui-vive et de ne dormir que d'un œil, ce qui devient fatigant à la longue. La libellule raconta ses chagrins au Katonging. « Ma chère demoiselle, lui répondit la fleur, que ne parliez-vous plus tôt? Je me serais fait un plaisir de vous offrir un abri où vous pourrez dormir tout à votre aise. Quand la nuit sera venue, posez-vous sur moi, vos ailes et mes feuilles sont de la même couleur. Je défie tous les lézards, toutes les araignées et toutes les chauves-souris de la terre de vous reconnaître quand nous serons ainsi confondus. D'ailleurs, au moindre danger, je vous réveillerai. Nous autres fleurs, nous avons le sommeil si léger. » La demoiselle de se confondre en remerciements et de bénir le ciel qui lui avait envoyé une voisine si charitable. Mais le Katonging avait ses projets. Un jeune ver luisant habitait une touffe d'herbe à ses pieds et chaque soir il essayait de grimper sur la tige de la fleur afin de sortir de l'obscurité et de se recréer à la vue de son reflet jouant dans l'eau tranquille. Le malicieux Katonging secouait sa tige dès qu'il voyait le ver luisant parvenir presque au terme de sa course, et l'infortuné retombait dans l'herbe. 3 ou 4 fois, il recommençait son ascension, toujours même manège de la part de la fleur. Ce jour-là, le Katonging appela le ver luisant et lui dit de grimper et de se cacher sous ses feuilles. En même temps, il s'inclina pour faciliter l'ascension. « Que cette fleur est bonne fille !» pensa le ver luisant en s'enroulant commodément autour de sa corolle. « Maintenant, la nuit peut venir. Je me verrai dans l'eau. » La nuit vint, et la demoiselle aussi. Elle se posa sur le Katonging et, fatiguée de ses insomnies précédentes, elle s'endormit. Le ver luisant attendait avec impatience que la lune fût couchée et ne voyait qu'un glacis d'argent sur l'eau. L'obscurité remplaça le clair de lune. Aussitôt le ver luisant de briller et les chauves-souris d'accourir. Le malheureux fut noyé, ainsi que la demoiselle dont il avait signalé la présence. Le Katonging, l'hypocrite Katonging, heureux du mauvais tour qu'il venait de jouer, poussa un petit éclat de rire. La fée aux fleurs, qui savait tout ce qui s'était passé, se sentit tellement indignée qu'elle changea la fleur en scorpion.